Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Aujourd'hui, nous allons parler astrologie, avec cette fameuse pleine lune et éclipse lunaire du 16 juillet. Dan Millman, un écrivain américain, a dit « Tu dois purifier ton corps de toutes ces tensions, libérer ton esprit de connaissances stagnantes et ouvrir ton cœur aux énergies de l'émotion véritable ». À l'heure actuelle, les planètes nous poussent à nous tourner vers l'intérieur et à abandonner tout ce qui nous retient des potentiels les plus élevés de notre âme. On dirait que ce qui n'avait pas été complètement pardonné ou revient maintenant afin que nous puissions voir la vérité, tout en nous ouvrant à des fréquences plus élevées d'amour et d'incarnation. Nous épurons le passé pour faire de la place à un nouveau paradigme, à la fois en nous et en tant que collectif. Il est certainement le moment de laisser le passé et la nostalgie d'un passé révolu. Cette éclipse était extrêmement profonde et puissante, comme si elle effaçait notre identité actuelle afin d'en créer une nouvelle. Nous pouvons nous sentir mal à l'aise ou complètement à l'envers, nous poussant au-delà de nos limites pour pouvoir avancer dans notre évolution personnelle, ainsi que dans celui de nos familles, de nos ancêtres et de la planète entière. C'est un grand travail au collectif que nous faisons. Tout ce qui meurt maintenant est censé renaître. Quelle que soit la douleur ou les émotions intenses qui surviennent, elles ont pour but la purification. Nous travaillons spécifiquement à transformer nos relations, de toutes sortes. Notre relation au féminin en chacun de nous est en train de changer profondément alors que nous nous dirigeons vers des dimensions supérieures de pardon, d'amour, de force et de paix. Nous transmutons également les plaies autour de la mère et du père. Nous prenons davantage soin des autres et avons plus de maturité pour guérir notre enfant intérieur. Cette saison d'éclipse marque véritablement un point pivot dans le nouveau paradigme. C'est un crescendo qui consiste à vider nos tasses avant de les re-remplir à nouveau. De nouvelles énergies et de lumières qui définiront l'âge à venir, débutant en 2020. Si nous pouvons entrer dans notre guerrier spirituel, nous avons la possibilité de nous défaire et de nous élever spirituellement d'une manière que nous ne pensions impossible. Puissions-nous rassembler le courage de faire face à nos peurs et à notre douleur en nous ouvrant à des résonances plus profondes de lumière, de pardon, d'expansion et de paix. Les impacts d'une éclipse lunaire peuvent être aussi importants que ceux d'une éclipse solaire. Lors d'une éclipse lunaire, les choses nous sont révélées. Les prises de conscience peuvent concerner tout particulièrement des dynamiques relationnelles. Nous avons la possibilité d'analyser la nature de nos liens intimes, et ce, avec beaucoup plus de lucidité et d'objectivité. Pour cette raison, les éclipses lunaires sont souvent associées à des ruptures et à des bris de liens. Le carré de Mercure-Mars en Lion et avec Uranus en Taureau met en garde contre un excès d'impulsivité et d'action extrême. Déjà qu'une pleine lune exacerbe l'émotivité, tourner sa langue 7 fois avant de parler est un sage conseil sous le ciel de juillet. Alors si vous vous sentez bizarre, n'ayez crainte, l'univers en serait l'origine. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine sur Radio Gémozo.